Chapitre 20e. Désolation. Durant cet intervalle, le chagrin et le deuil étaient entrés dans la grande maison de Clavering. Mrs. Clavering traversa seule le parc, s'empressa de rejoindre la pauvre mère affligée. Elle était assise toute seule et avait renvoyé la vieille femme de charge. On ne voyait aucune trace de larmes sur son visage, bien qu'elle eût pleuré abondamment dans la matinée. Mais la douleur semblait l'avoir vieillie de plusieurs années. Mrs. Clavering fut surprise de voir qu'elle s'était habillée soigneusement depuis le matin, selon son habitude, même quand elle était seule. Elle était dans une petite pièce où elle se tenait toujours en l'absence de Sir Hughes. « Ma pauvre Hermione, » dit Mrs. Clavering en lui prenant la main. « Oui, pauvre, en effet. Je suis bien pauvre à présent. Pourquoi vous a-t-on dérangé pour vous faire revenir ici ? Ne m'avez-vous pas envoyé chercher ? Mais du reste, on a bien fait. Je serais venu dès que je l'aurais su. Il ne faut pas que vous restiez seul. J'espère qu'il arrivera ce soir. Oui, s'il a reçu à temps votre dépêche. Ou il l'aura reçu assez tôt. Mais je ne suis pas sûr qu'il vienne. Il n'aime pas la campagne. Il ne saurait manquer de venir dans un cas comme celui-ci. Et qui va lui apprendre la nouvelle ? Il faut que quelqu'un le lui dise avant moi. Où trouverai-je quelqu'un pour cela ? Anna s'en chargera. C'était la vieille femme de charge qui était dans la maison depuis la naissance de Sir Hughes. Ou bien, si vous le voulez, Harry viendra ici et lui apprendra la nouvelle. Non, Hughes pourra dire quelques mots blessants à M. Clavering. Il est si dur. Anna fera la commission. Voulez-vous l'en charger ? Mrs. Clavering promit de le faire, s'étonnant de l'immobilité glacée de cette malheureuse femme. Elle connaissait bien Lady Clavering. Elle la savait faible, mondaine, un peu légère et peut-être égoïste. Pourtant, elle avait aimé son enfant comme les autres mères. Mais en ce moment, elle paraissait se préoccuper plus de son mari que de l'enfant qu'elle venait de perdre. Mrs. Clavering lui avait pris la main et restait silencieuse à ses côtés. « Je suppose, » reprit Lady Clavering, « qu'il va me chasser de la maison. Qui donc, Hughes ? Oh, Hermione, pourquoi parlez-vous de la sorte ? Il me grondait auparavant, parce que mon enfant n'était pas fort. Qu'est-ce que j'y pouvais ? Il me reprochait d'en avoir pas d'autre. Maintenant, il me renverra de chez lui pour toujours. » « Oh, Mrs. Clavering, vous ne connaissez pas sa dureté. » Mrs. Clavering préféra ne pas répondre et pria la pauvre mère de la conduire dans la pièce où était le corps du petit enfant. Si elle pouvait ainsi provoquer des larmes de la mère, cela la distrairait des sombres pressentiments que lui inspirait la conduite future de son mari. Elles se rendirent donc toutes les deux auprès du petit être dont les souffrances étaient finies. « Ma chère amie, qu'est-ce que je puis dire pour vous consoler ?» En faisant cette question, Mrs. Clavering savait bien que devant une pareille douleur, les paroles étaient impuissantes. Mais elle aurait voulu la faire pleurer. « Me consoler ? » reprit la mère. « Il n'y a plus, je crois, de consolation pour moi. Il y a longtemps que je n'ai eu aucun plaisir, depuis le départ de Julie. »« Avez-vous écrit à Julie ? » ?»« Non, je n'écris à personne. Je ne puis pas écrire. Je ne puis pas même y penser. Mon enfant, mon pauvre enfant !»« Je vais écrire à Julie, » dit Mrs. Clavering, « et je vous lirai ma lettre. »« Non !» « Non, ne me la lisez pas. À quoi bon ? Il m'a brouillé avec elle. Julie, à présent, ne se soucie ni de moi, ni de mon petit ange. Pourquoi s'en inquiéterait-elle ? Quand elle est revenue en Angleterre, il a refusé de la voir. Cela lui sera bien indifférent. Qui donc, désormais, s'occupera de moi ? Est-ce que je m'en occupe pas, moi, Hermione ? Oui, parce que vous êtes ici, parce que nous sommes voisins. Si vous demeuriez loin d'ici, vous ne vous inquiéteriez pas de moi. C'est toujours ainsi que cela se passe. » Cela était si vrai que Mrs. Clavering n'essaya pas de répondre. Elles retournèrent dans le petit salon et Lady Clavering s'attarda un instant auprès de son enfant, mais quand elle rejoignit sa parente, elle avait encore les yeux secs. « Il sera à la station à 9 heures, » dit Lady Clavering. « Il faudra lui envoyer le coupé. Il serait furieux s'il avait à emprunter pour venir la voiture de l'auberge. » La vieille dame sortit pour donner des ordres et se disait « Quelle opinion une femme doit-elle avoir de son mari ?» Pour croire qu'il se fâchera pour de si minces détails dans une pareille occasion. Croyez-vous qu'il sera bien affligé ? Demanda Lady Clavering. Assurément. Comment pourrait-il en être autrement ? Il avait dit souvent que mon enfant mourrait. Il se sera habitué à cette pensée. Sa douleur sera aussi vive à présent que s'il n'avait jamais prévu ce malheur. Il est si dur, si opiniâtre, et si maître de lui-même. Il secourra la tristesse et ne lui laissera aucune prise sur lui. Je le connais si bien. Nous devons tous agir de même dans nos chagrins et prier Dieu de nous soulager. Vous aussi, Hermione, vous devriez tâcher d'en faire autant. Mais pas encore. Maintenant, il vaut mieux donner libre cours à votre douleur. Pour lui, il sera tout de suite consolé. Vous vous souvenez de la mort de Manny? C'était une petite fille née avant le petit garçon et morte à 12 mois. Il ne s'attendait pas à sa mort. Il se contenta de secouer la tête et est sorti de la chambre. Il ne m'en a jamais plus reparlé. Il a même oublié, je crois, qu'elle ait jamais existé. Il ne saurait oublier cet enfant qui était son héritier. Ah, voilà justement la chose. Il me dira des mots qui vous feraient frémir si vous les entendiez. Oui, mon cher ange était son héritier. Archie va se marier maintenant. Il aura des enfants qui hériteront du domaine. Il y aura un redoublement de haine et de colère. Car Hugh se mettra à haïr son frère. Je ne vois pas pourquoi. Parce qu'il est si dur. Il n'aurait jamais dû se marier. Car il ne peut apprécier aucune des qualités d'une femme. Il fallait un fils pour hériter de ses biens. Et maintenant que cet espoir lui était ravi, je voudrais être morte aussi. La vieille dame eut recours à toutes les paroles affectueuses qu'elle put trouver pour consoler la mère et lui faire comprendre les devoirs qu'il lui restait à remplir, devoirs dont l'accomplissement pourrait adoucir son malheur. Lady Clavering écoutait à demi les conseils de son amitié. Elle ne pensait qu'à son mari et épiait le moment de son retour. Elle souhaitait intérieurement qu'il ne vînt pas ce soir. À 9h30, elle essaya de se débarrasser de Mrs. Clavering. « Il sera bientôt ici, s'il vient ce soir, dit-elle. Il vaut mieux qu'il me trouve seul, le pensez-vous? Oh oui, certainement. Je vois d'avance comment il froncerait le sourcil en vous voyant. Adieu. Vous avez été bien bonne de venir. Vous l'êtes toujours. On trouve toujours de la bonté chez vous, parce que là, il y a de l'amour. Vous écrirez à Julie pour moi. Adieu. » Mrs. Clavering l'embrassa et sortit, et en s'éloignant, elle s'applaudissait de ce que la pauvre mère avait dit la vérité en parlant de sa famille. L'amour et l'union régnaient chez elle. Pendant une demi-heure, Lady Clavering resta seule, prêtant l'oreille pour entendre le bruit de la voiture qui ramènerait son mari. Il commençait presque à croire qu'il ne viendrait pas ce soir-là, quand les roues du coupé firent soudain crier le sable de la cour. Elle s'élança dans le corridor, mais le cœur lui manqua, il dut s'appuyer sur la balustrade pour se soutenir. Un moment, elle avait eu l'intention d'aller au-devant de lui afin de lui inspirer, ne fût-ce que pour un moment, un sentiment de tendre intérêt. Grâce à cette triste circonstance. Mais elle se rappela que les domestiques seraient là, et que devant eux, ils ne voudraient pas se montrer tendre et bienveillant. Elle se rappela aussi que la femme de charge devait le prévenir. Ne voulant pas déranger ce programme, elle retourna dans la pièce ouverte et attendit debout. Sa maison était silencieuse et son ouïe surexcitée saisissait tous les sons. Elle entendit la vieille Anna qui, doucement et toute tremblante, s'acheminait au-devant de son maître. Sir Hughes avait déjà appris la mort de son enfant du domestique qui était venu le chercher. Mais il valait mieux l'en informer officiellement. Elle sentait l'air froid qui entrait par la porte entrouverte. Elle entendit les pas précipités de son mari, puis le murmure de la voix de Anna, puis les premiers mots prononcés par Sir Hughes de son ton habituel. « Où est Lady Clavering ?» La pauvre femme l'entendant venir, alla reprendre sa place dans son fauteuil. Il n'entra pas tout de suite néanmoins. Il ôta son habit, déposa son chapeau et ses gants. Elle se dit en ce moment que dans une circonstance pareille, s'il eût été un autre homme, ils auraient déjà été dans les bras l'un de l'autre. Elle songea aussi à la perte qu'ils avaient faite. Pour elle, son enfant était tout. Pour lui, ce n'était que son héritier et le continuateur de la famille. L'enfant avait été le seul lien qui les rattacha. Maintenant, il n'en existait plus d'autre entre eux. Elle pensait à tout cela quand elle l'entendit monter lentement l'escalier. Il suivit lentement le couloir. Il lui semblait qu'il n'arriverait jamais. Quand il entra de la pièce, elle fut la première à s'écrier. « Oh, Hughes, Hughes !» Il avait refermé la porte avant de dire un mot, et il alla se jeter dans un fauteuil. Près de lui, sur une table, il y avait des flambeaux. Et à leur lumière, elle put voir que son visage était altéré. Il avait été rudement frappé. Et son visage défait disait combien le coup avait été sensible. Cet homme dur, cruel, égoïste, en était enfin venu à souffrir, lui aussi. La mort de son fils, bien que prévue, l'avait profondément affecté. Quand est-il mort? Un peu après 4 heures, je crois. Il y eut un instant de silence. Lady Clavering s'approcha de son mari et resta debout auprès de lui. Enfin, elle se hasarda à lui mettre la main sur l'épaule. Accablée comme elle l'était par sa douleur, Elle se demandait en ce moment comment elle pourrait apaiser la sienne. Par degrés, elle approcha sa main de sa poitrine, mais lui, levant son bras, écarta la main de sa femme. Il le fit avec douceur, mais il se disait évidemment « À quoi bon ces grimaces à présent ?»« Le Seigneur nous l'a donné, » reprit sa femme, « le Seigneur nous l'a enlevé. » En entendant cela, Sir Hughes fit un geste d'impatience. « Béni soit le nom du Seigneur, » continua Lady Clavering. Sa voix était faible et tremblante. Elle répétait les mots comme si c'eût été un devoir qu'elle s'était imposé. « Tout cela est bel et bien, » dit-il. « Mais à quoi cela peut-il servir maintenant ? Je hais tout ce verbiage. On doit supporter son malheur comme on peut. Je ne crois pas que ses éjaculations le rendent plus léger. » « On le dit pourtant, Hughes. »« On le dit. Ceux qui le disent en ont-ils jamais fait l'essai ? Si vous avez vécu dans ces pensées toute votre vie, c'est fort bien. Mais cela ne me rendra pas mon enfant. »« Non, Hughes. Il ne reviendra jamais plus. Mais nous pouvons penser qu'il est au ciel. »« Si cela vous suffit, c'est bon. » Mais ne me parlez plus de cette façon, cela ne me va pas. Je n'avais qu'un enfant et il est parti. C'est toujours ce qui arrive. Il parlait de son fils comme s'il eût été à lui seul et non à elle. Elle sentait ce qu'il y avait de peu affectueux dans un pareil langage, mais elle n'en dit rien. Oh, Hughes, qu'est-ce que nous y pouvions? Il n'y a pas eu de notre faute. Qui est-ce qui vous parle de faute? Je n'ai rien dit de semblable. Notre enfant a toujours été faible et maladif. Les Clavering d'ordinaire sont robustes. Voyez-moi et Archie et mes sœurs, mais nous n'y pouvions rien. Tout ce que nous en dirons ne nous le rendra pas. Vous ferez bien de me faire servir quelque chose à manger. Je suis parti, comme vous le pensez bien, sans dîner. Elle-même n'avait rien pris depuis le matin, mais elle n'y pensait pas. Elle sonna, et sortant de la pièce, elle donna des ordres aux domestiques au haut de l'escalier. Je ferai bien, dit-il, de ne pas rester ici. Je vais aller m'habiller. Il vaut mieux ne pas penser à tout cela. Il en est qui appellent cela de la dureté, mais ce sont des sots. J'y penserai pendant 8 jours, que cela ne m'avancerait pas davantage. Mais comment ne pas y penser? Voilà la difficulté. Les femmes ne sont pas comme nous, à ce qu'il paraît. Je vais m'habiller et descendre dans la salle à manger. Dites à Saunders de me donner une bouteille de champagne. Vous ferez bien, vous aussi, de prendre un verre de vin. C'était le premier mot de sa part qui indiqua quelque sollicitude pour elle. Elle lui en sut gré. Quand il se leva pour sortir, elle se rapprocha de lui et lui mettant la main sur l'épaule. « Hughes, ne voulez-vous pas venir le voir ?»« À quoi bon ? » dit-il. « Je crois que vous regretteriez de l'avoir laissé partir sans lui donner un dernier regard. Il est si joli dans son berceau. J'espérais que vous viendriez avec moi pour le voir. » Il se montra plus doux avec elle qu'elle ne l'avait espéré. Elle le conduisit dans la pièce qui leur avait servi de chambre à coucher et où l'enfant était mort. « Pourquoi l'avez-vous mis ici ? » dit-il d'un ton fâché. « Je suis resté ici avec lui depuis votre départ. »« Eh bien, ce n'était pas là sa place, » dit-il avec un frémissement. « Vous auriez dû le transporter ailleurs avant mon arrivée. Je ne veux plus rentrer dans cette pièce, souvenez-vous-en. » Elle le conduisit au pied du berceau qui était à la tête de son propre lit, et elle souleva un voile de mousseline qui couvrait la tête de l'enfant. « Oh, Hughes !» s'écria-t-elle, et lui passant les bras autour du cou, elle se mit à pleurer amèrement sur son sein. Pendant quelques instants, il la laissa faire et resta debout regardant son fils. « Hughes, » répéta-t-elle, « voulez-vous être bon pour moi? Ce n'est pas ma faute si nous n'avons pas d'enfant. » Il la laissa dire. Il ne lui dit pas un mot et lui permit d'appuyer sa tête contre sa poitrine. « Cher Hughes, » reprit-elle, « je vous aime d'un amour si sincère. » Sottise que tout cela, pure sottise. Il avait la voix basse et rauque. « Pourquoi parlez-vous de tendresse à présent? Parce que je suis si malheureuse. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous rendre malheureuse? Je ne dis pas cela, mais si vous me témoignez quelque bonté, cela me consolera. Ne me laissez pas ici toute seule, maintenant que j'ai perdu mon enfant chéri. » Il la repoussa alors, mais avec douceur. « Voulez-vous que je vous emmène en ville? Oh non, ce n'est pas ce que je vous demande. Eh bien alors, qu'est-ce que vous voulez? Où désirez-vous demeurer, si ce n'est pas ici? J'irai où vous voudrez, pourvu que vous vouliez demeurer avec moi. Tout cela est absurde. « Vous m'étonnez de parler ainsi en ce moment. Sortons d'ici et laissez-moi aller dans ma chambre. » Elle replaça soigneusement le voile qu'elle avait ôté et, se laissant tomber dans un fauteuil, versa un torrent de larmes en se couvrant le visage de ses mains. « Voilà ce que c'est que de m'avoir amené ici, » dit-il. « Levez-vous, Hermione, je ne veux pas tout cela. Levez-vous, vous dis-je, je ferai fermer la chambre en attendant qu'on vienne chercher l'enfant. Oh, n'en faites rien. Levez-vous et venez avec moi. Elle se leva et le suivit, et pendant qu'il allait s'habiller, elle retourna dans la pièce où il l'avait trouvée. Là, elle s'assit et resta pleurer pendant qu'il allait dîner tout seul. Mais la vieille femme de charge lui apporta quelque chose à manger et un verre de vin, lui disant que son maître désirait qu'elle le prît. « Je ne vous quitterai pas, milady, que vous n'ayez pris cela, » dit la vieille Anna. « Cela vous fera mal de rester si longtemps sans nourriture. » Elle mangea un peu, but une goutte de vin, et se laissa conduire par la vieille femme dans sa chambre à coucher. De 4 jours, elle ne revit pas son mari. Le lendemain matin, un billet lui apprit que Sir Hughes était retourné à Londres. Il avait besoin, disait-il, de voir son avoué et son frère. Archie, lui, reviendrait pour les funérailles. Il avait déjà donné des ordres à cet égard. Pourtant, les 3 jours qui suivirent, en attendant le retour de son mari, Lady Clavering demeura au presbytère et les consolations que lui prodigua Mrs. Clavering lui firent presque désirer que ce séjour pût se prolonger. Mais elle connaissait le jour et l'heure du retour de Sir Hughes et elle eut soin de se trouver à la maison pour le recevoir. « Vous viendrez le voir, » dit-elle au recteur. « Vous viendrez tout de suite, n'est-ce pas ?» M. Clavering se rappela le serment qu'il avait fait de ne jamais retourner dans la maison. Mais il ne pouvait songer à le tenir dans une pareille circonstance. « Oui, » dit-il, « j'irai vous trouver ce soir. Mais vous ferez bien de le prévenir, de sorte que s'il ne veut pas me voir, il en fasse à sa guise. « Oh, je suis sûr qu'il viendra vous voir. Vous oublierez sans doute qu'il vous a offensé. » Mrs. Clavering avait écrit à Julie et à Harry et le jour des funérailles avait été fixé. Harry avait annoncé son intention de venir et Lady Ongar avait répondu qu'elle ne pouvait pas en ce moment se rendre à Clavering, mais si sa sœur voulait aller la rejoindre, elle serait heureuse de la revoir et elle insistait beaucoup dans sa lettre pour que sa sœur adoptât ce parti. « Vous verrez, ma sœur, lui disait-elle, et vous lui ferez comprendre que si je ne lui écris pas moi-même, ce n'est pas par froideur de ma part. » Lady Ongar avait écrit cela avant de voir Harry Clavering. Le révérend M. Clavering, en arrivant au château, fut aussitôt introduit dans la pièce où se trouvait le baronnet avec son frère. Le dîner était fini depuis quelque temps, mais les flacons de grand vin étaient encore sur la table. « Hughes, dit le recteur, en s'avançant vers son neveu, je vous plains. Je vous plains du fond de mon cœur. « Oui, dit Hughes, le coup a été terrible. Asseyez-vous, mon oncle, voici un verre. » Archie tendit un verre propre avec la bouteille de Porto, mais le recteur n'y fit aucune attention. « C'est un rude coup, mon pauvre enfant, dit le recteur. « Mais toutes nos afflictions nous sont envoyées du ciel, ainsi que nos bonheurs. Il faut nous résigner. » « Nous sommes pareils à l'herbe des champs, dit Archie, et tôt ou tard il faut que nous soyons moissonnés. » Archie, en disant cela, voulait paraître sérieux. Il était aussi sincère qu'il pouvait l'être. « Allons, Archie, » dit son frère, « laisse-moi là ce pathos, c'est le métier de mon oncle. »« Hughes, » dit le recteur, « si vous ne prenez pas les choses de cette manière-là, vous n'aurez pas de consolation. »« Je n'en attends aucune. Ainsi, cela suffit. Les gens apprécient les choses différemment, et il ne sert de rien que je vous rompe la tête à ce sujet, ou que vous me la rompiez vous-même. Mon enfant est mort, et je sais qu'il ne reviendra pas. Je n'en aurai pas d'autre, et c'est triste à penser. Mais soit dit sans vous offenser, j'aimerais mieux me consoler à ma manière. Si je me mettais à parler de la fragilité humaine, comme Archie, ce serait une sotte affectation. Il n'y a rien que je déteste autant que cela. Que mon langage ne vous offense pas. Prenez un peu de vin, mon oncle. » Le recteur ne pouvait pas boire de vin en pareille circonstance, et il s'esquiva aussitôt qu'il le put. Il dit quelques mots de consolation à Lady Clavering et retourna au presbytère.